C'est le commentaire hebdomadaire dans ta mi Phil Leguin. Salut Phil. Phil? Est-ce que t'es là? Oh, il est parti. Phil? OK. OK, donc on recommence. Okay, Phil, on va recommencer. OK? Oh, allez. Mais... OK, ouais, ça, OK, c'est bon. On recommence? OK. 1, 2, test. C'est le commentaire de madame notre ami Phil Leguin. Salut Phil. Phil, on va parler un peu du... Hey, avant de parler du Canadien, je veux te parler de Michel Brière. As-tu vu le reportage qu'a passé RDS sur Michel Brière? Oui, oui. Très bon reportage. Émouvant. Puis, faut dire qu'à Shawinigan, le Brière, là, ouais. Ça coupe Danny, là. Quand tu viens me parler, là, ma caméra disparaît. Non, non, ben c'est pas une caméra, là, je te viens qu'en Messenger. OK, OK, parfait, c'est bon. On va recommencer, OK? Oups. Bien. Bon, Danny. OK, c'est rien qu'en Messenger, je t'appelle rien qu'en Messenger. On fait pas de Facebook Live aujourd'hui, okay, j'ai fait parfait. Un, puis c'est assez. 5-4-3-2-1-0. C'est le commentaire de madame de ta mi Phil Leguin. Salut, Phil. Bonjour, Danny. Phil, on va parler d'abord de... Avant de parler du Canadien, je veux te parler de Michel Brière. T'as-tu vu le reportage qui a passé RDS? Oui. Qui passe de Saint-Cyr, là? Oui, je l'ai vu. Michel Brière, tu l'as-tu connu comme joueur? Non, il venait de terminer sa carrière, moi, quand je suis arrivé comme arbitre dans le junior majeur du Québec. Ouais. Puis, à Shawinigan, c'était le dieu, là. OK. Il y avait sa photo dans l'aréna, puis tout le kit. Là. J'ai vraiment un joueur qui a marqué l'histoire des Cataractes de Shawinigan. Puis c'était un joueur de hockey tout à fait exceptionnel. Tout le monde qui a connu Brière là, ouais, savait qu'il avait un talent tout à fait exceptionnel. Malheureusement, ben, on n'a pas pu le voir très longtemps dans la Ligue nationale de hockey. Mais à Shawinigan, Brière, c'était vraiment le joueur de concession là-bas là, que tout le monde parlait immédiatement après les années après qu'il a été décédé, qu'il est décédé dans un accident. Est-ce que c'est exagéré de dire, parce que je parlais avec Michel Douga, qui est mon collaborateur, qui fait les entrevues en anglais avec moi, qui est mon traducteur, puis qui disait que c'était aussi fort que Guy Lafleur. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? Je l'ai pas vu jouer tellement, Danny. Je serais pas en mesure de dire, j'ai vu Lafleur jouer junior, quand j'étais sur l'âge, j'ai vu Mario Lemieux, Roy Junior, Denis Savard, Pat Lafontaine, tous ces gars-là. Mais Brière, non, je ne l'ai pas vu. Deux, quand on a sorti l'histoire de les 10 joueurs de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, Brière n'était pas parmi le groupe. Là. OK, non, parce que c'était avant la Ligue junior majeure du Québec, je pense. Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que je ne peux pas dire, on ne peut pas faire des comparaisons, là, mais je peux dire que moi, personnellement, je ne l'ai pas vu assez jouer pour te dire s'il était aussi bon que Lafleur ou ces gars-là. Là. Mais c'est sûr que c'est un joueur de hockey. Tout le monde était unanime à dire qu'il était appelé à avoir une brillante carrière. Ouais. Puis malheureusement, ben, c'est pas concrétisé. Mais c'était une belle histoire. Puis c'était bien fait également par le réseau RDS. Toujours bien fait. Oui. Phil, le Canadien a perdu hier. C'était, oui? C'était un match quand même. On le disait. Les gens le disaient, c'était un match qui est. Un match piège, quoi. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est exactement cette équipe-là. Il faut quand même... Il y avait quoi, 9 défaites consécutives? Dans le langage du sport, on dit qu'il était dû pour connaître un bon match, comme le Canadien était dû pour connaître un mauvais match. Mm. Tu sais, un ou l'autre. Là. Ouais. Moi, je pense que... Moi, je crois pas ça que les joueurs disent « on le prend à la légère ». C'est parce que... C'est inconscient. C'est sûr que tu t'attends à ce que peut-être ce soit un peu plus facile que d'autres, surtout que si tu avais joué des rencontres avec l'intensité qui était très élevée, la rivalité, exemple, Vancouver. On a joué 7-8 fois contre Vancouver. Tu ne peux pas faire autrement que la rivalité est grande. Là. Mais on descendait. Ottawa connaissait beaucoup d'insuccès dernièrement. Et là, on est arrivé à Montréal sans pression. Et ils sont arrivés à Montréal en disant, écoute, de manière ou l'autre, on ne joue pas très bien. Le Canadien, à l'inverse, excusez, manquait pas beaucoup d'occasions, marquer le premier but et tout. Et là, malheureusement, puis je pense que le point de presse après le match, Carey Price l'a bien dit. Price a dit, écoute, on a donné 2 buts, puis on a semblé un petit peu déstabilisé par ça. Mm. Puis moi, j'étais un fan de Price, mais il n'a pas été bon hier. Là. Okay, oh, mais c'est pas des mauvaises games. Des mauvaises games quand même. Là, exact, c'est ça. T'es... Donc, il y a une chose qu'il faut, c'est quand ton équipe ne joue pas bien, c'est là que ton gardien de but doit être bon. Puis malheureusement, hier, tout le monde n'a pas été très bon. Même les bons joueurs, les bons jeunes joueurs, qui étaient les spécialistes de mise au jeu, puis tout le monde vantait leur qualité hier. Ben, 25-30% de réussite, là. Tu gagnes pas dans ces circonstances-là. Mais je pense que le match de samedi va être une autre rencontre et qui va être différente. Les Canadiens vont être mieux préparés parce qu'ils vont connaître les Sénateurs. Deux, les Sénateurs vont vouloir également dire, écoute, on veut prouver que c'est pas l'effet d'un seul match, qu'on veut être capable d'en jouer deux d'affilée avec les bons éléments, mais ça demeure quand même. Écoutez, moi, je dis toujours, la Ligue nationale, tout le monde peut battre tout le monde, là. C'est sûr que sur un calendrier de 60, 70, 80 matchs, les meilleures équipes vont sortir du lot. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que moi, quand je regarde un petit peu les championnats du monde de hockey junior, je l'écrivais il y a deux semaines, quand les Canada a été battu en grande finale. Je me dis, c'est malhonnête de jouer un seul match pour dire l'équipe championne du monde, tu sais, des moins de 20 ans. Alors que ça peut arriver, et cette journée-là, c'est arrivé avec l'équipe canadienne, on n'a pas joué notre meilleur match, puis ça peut arriver que l'équipe adverse joue son meilleur match, puis que le gardien connaisse un bon succès. Donc, c'est pour ça qu'une série 4-7 ou une série 3-5, ça donne plus une valeur à un championnat, parce que tu dis, la meilleure équipe sur 4, 5, 6, 7 matchs a prouvé que une seule rencontre, tu sais, c'est comme au golf. Une journée, tu vas jouer moins 5, puis c'est professionnel, puis le lendemain, tu vas jouer plus 5. Pourquoi qu'il y a 10 coups de différence entre la veille et le lendemain? C'est le même golfeur, le même terrain. Mais c'est ça, le sport. Mm. Et moi, je pense que c'est un peu ce qui peut arriver à n'importe quel club dans la Ligue nationale. OK. Puis c'est clair. Hey, hier, on a commencé à parler, au Québec, on est fort, on est très émotif. Hein? C'est des up and down. Puis hier, on a commencé à dire, Jean-Charles Lajoie a commencé à dire, Bergevin, on devrait lui donner un contrat de 5 ans déjà. Est-ce que tu donnerais 5 ans à Marc Bergevin? Il n'y a rien qui prête actuellement. Moi, je pense que Bergevin n'est pas inquiet. Ouais. Jeff Molson n'est pas inquiet non plus. Il doit y avoir une entente entre les deux. Depuis qu'il est là, j'ai jamais vu Jeff Molson essayer de mettre en doute les décisions que Bergevin prenait. Bergevin semble avoir les coups des franges avec son propriétaire. Deux, il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui peut venir directeur-gérant à Montréal. Non. Ça prend un DG qui parle français, et qui parle l'anglais, et qui connaît la Ligue nationale très, très bien. C'est un peu ce que Marc Bergevin a fait dans les dernières années. Il a fait ses classes à Chicago comme adjoint. Et quand il est arrivé à Montréal, il a fait des erreurs, mais là, plus il avance dans le temps, plus il est reconnu comme un bon directeur-gérant, un gars qui a fait ses classes. Là, actuellement, il semble vouloir monter un bon club. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je ne pense pas que Bergevin est inquiet non plus. Mais c'est sûr que si c'est un contrat de 4 ou 5 ans, c'est plus rassurant. Ben ouais. Mais dans le cas de Bergevin, je pense qu'il ne doit pas être inquiet. Jeff Molson doit avoir dit. Il n'est pas obligé de le dire sur la place publique. Comme, c'est pas comme un instructeur. Un instructeur est à la merci des résultats, vraiment, plus qu'un DG. Parce que tu vas être congédié. Tu es le premier à être congédié quand ça ne va pas bien. Exemple, je l'écrivais mardi dernier. Depuis le début de la saison, on ne parle pas de congédier Claude Julien. À la fin de la saison, l'an passé, on disait on devrait changer. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Il n'a pas été là dans les séries parce qu'il a été à un certain moment malade, parce qu'il a eu des problèmes au niveau cardiaque. Et là, tout le monde était prêt à le congédier puis le remplacer. Là, actuellement, il n'y a personne qui parle de remplacer Claude Julien. Il a même fait pour Bergevin. Mais ici, on a la bêche courte. Hier soir, déjà, je voyais après le match, autant TVA qu'à RDS, pourquoi Bergevin n'a pas envoyé pour la mise au jeu? Pourquoi il n'a pas envoyé tel joueur? Pourquoi il a envoyé tel jeune? Le match d'avant, le jeune Kotkaniemi, les autres prenaient les bonnes mises au jeu et ils gagnaient. Malheureusement, hier soir, ils ne l'ont pas donné. Et là, tout le monde dit pourquoi il aurait dû envoyer tel vétéran. Facile de dire après, puis challenger le coach. Mais moi, actuellement, je pense que Bergevin n'a pas à s'inquiéter. Le travail qu'il a fait, il l'a bien fait. Il joue également. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai joué une ronde de golf avec Marc Bergevin. Bergevin disait, la chose la plus difficile dans la Ligue nationale au moment où on se parle, Phil, c'est de gérer le budget. C'est gérer le plafond salarial. Puis ça, là, c'est vrai. Écoutez, je vais te donner un exemple. Dano, actuellement, là, il est mal pris avec Dano. Tu sais, on parlait qu'il a refusé une offre de 5 millions, mais là, est-ce que le Canadien a de la marge pour lui donner le 5 millions que probablement qu'il aurait, là, il accepterait puis qu'il n'avait pas accepté il y a à peu près 2 mois? peut-être que le Canadien n'a plus la place. Là, il y a d'autres joueurs qui semblent vouloir prendre un peu sa Jake place. Jake Evans, entre autres. Jake Evans. Ouais, exactement, Jack Evans. Donc, ouais. C'est là que tu te rends compte que c'est facile, nous, de gérer dans la chaise qu'on est assis dans notre TV et à prendre des décisions derrière le bureau, alors que lui doit gérer toutes les finances du club, gérer les contrats, gérer qu'est-ce qui s'en vient également. Tu sais, on n'est pas tout au courant de tout ce qui se passe derrière. Tu sais, je veux dire, là, il s'en vient tel contrat de tel joueur, il faut gérer les moyens financiers dans un an ou deux ans de lui donner ça. Donc, moi, personnellement... L'expansion s'en vient, le repêchage d'expansion aussi. Exact. C'est tous des points qu'actuellement... Jake Allen, tout de suite, là, quelqu'un cette semaine avait écrit, il s'est acheté une maison à Seattle. Arrêtons, là. Peux-tu prendre le temps d'y attendre, là? Ouais. Comme j'écoutais ce matin un chroniqueur qui disait, je pense que dans le cas de Carey Price, il garde pas assez de matchs depuis le début de l'année. Pour ça qu'il est un petit peu... Parce que Carey Price connaît pas le meilleur début de saison de sa carrière. Il faut pas se le cacher, sa moyenne de points est très élevée. Mais là, tout le monde dit, parce qu'il garde pas assez de matchs, c'est pas assez régulier. Mais on a engagé Jack Allen pour ça, pour lui donner au moins un match à tous les trois. Donc, il faut qu'on respecte le plan qu'on avait pris. Tu fais pas venir un deuxième gardien à 4,5 millions pour garder du parti dans l'année, là. Oui, c'est ça. Puis on est tellement enthousiaste à Montréal. C'est ça le problème au Québec, les émotions, là. Ici, on a un que ça à critiquer, là, puis à chialer, là, quand on regarde un peu ce qui se passe là, avec les Canadiens. Il n'y a pas de sport qui se met à la télévision. Là, le tennis va commencer cette semaine, mais tu sais, on n'a presque pas. Donc, à ce moment-là, tout le monde est sur des heures et demie, deux heures de temps, trois heures de temps à parler juste du Canadien. Donc, il faut trouver des sujets. Donc, le chiolage est plus facile à remplir du temps. Oui, je me le fais dire souvent ça. Puis, tu sais, quelque part, mais tu sais, faut être patient. Moi, je me dis, je suis pas enthousiaste. Je reconnais que Marc Bergevin a fait un excellent travail. C'est probablement la meilleure équipe qui a monté à Montréal depuis qu'il est en poste. Ça, je le reconnais. Oui. Par contre, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, avant de parler de Coupe Stanley, on peut-tu se calmer un peu? Mais rappelle-toi, il y a deux ans, on disait toujours, exemple, Claude Julien, c'est un coach de l'ancienne garde. Il ne fait pas jouer jeune. Là, je regarde le Canadien, il fait jouer beaucoup de jeunes. Donc, des jeunes de 19, 20, 21, 22 ans qui sont sur la glace, puis ont du temps de glace, puis beaucoup de temps de glace. Puis là, tu sais, pourtant, c'est le même coach qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, on le blâmait de ça parce qu'il jouait avec ses vétérans, il voit son système de jeu. Là, actuellement, il fait jouer jeune. C'est le même coach, il n'a pas changé, là, il s'est ajusté. Puis c'est un peu ça que je voyais d'ailleurs dimanche dernier, samedi dernier dans le Forêt dimanche, l'instructeur Yannick Jean disait, ça fait des années qu'il est là, il dit, je me suis ajusté avec les jeunes du temps d'aujourd'hui, il y a 15 ou 20 ans. C'est ça qu'il disait, justement. J'y ai parlé aussi, puis il disait, il y a 15 ou 20 ans, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire, coach, aujourd'hui, pourquoi tu fais ça? Exact. Les joueurs ne réagissent pas de la même manière, c'est pas la même génération. Deux petits points vite, sur prédiction sur le Super Bowl. Moi, je l'ai dit cette semaine, mon cœur balance. Ouais. Tom Brady, ce serait extraordinaire à 43 ans de remporter le Super Bowl. Mais moi, Patrick Mahomes, je dis, c'est la grande vedette des prochaines années. Ouais. Il est en progression. Et en plus, il est le champion défendant. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a tous les éléments sur place. Moi, je pense que, honnêtement, Kansas City va gagner par 14 points. Mais je pense que, honnêtement, mon cœur pencherait pour que Brady gagne ça. Mais je doute que Brady puisse battre Kansas City, à part s'il arriverait vraiment des blessures majeures ou bien des cas de COVID à quelques jours près. Là. Il y en a des blessés sur la ligne des Chiefs. C'est ça qui peut donner. Okay. Exactement. Dernier point, 40 millions. Trevor Bauer, ça vient d'être annoncé, 40 millions par année. Le COVID n'a pas rien changé dans le sport. C'est incroyable. Là, C'est démesuré actuellement. Surtout un lanceur partant qui ne joue pas tous les matchs. C'est pas en plus. Tu sais, quand je vois des gars gagner des 20, 25, 30 millions, avant, c'était la masse salariale. Rappelez-vous, les expos qu'on a quittés, c'était 16 millions, la masse salariale des expos. Maintenant, j'ai vu un reportage cette semaine où on parlait de Tim Raines, qui valait 1,5 million, qui était une grande vedette, qui est autant de la renommée. Aujourd'hui, 1,5 million. Si tu commences d'un majeur à 4 millions, tu sais, je regarde, tu es un substitut à 4, 5 millions. Tu sais, je vais te donner un exemple au hockey. Jake Allen, c'est un gardien substitut à 4,5 millions. Ça n'a plus de mesure, les salaires dans le sport, mais moi, je ne critiquerai pas ça pour une raison. C'est le propriétaire qui paye. C'est son argent à lui. C'est lui qui décide. Je n'ai pas de problème. Ce serait mon gouvernement, je dirais, j'ai mon mot à dire, mais là, quand c'est le propriétaire, C'est lui qui décide. Les droits de TV sont là. Il y a des choses qui ont changé dans les dernières années. Les droits de TV, les commandites. Alors regardez comment on commence à avoir des commandites sur les casques. Les paris sportifs les... avant longtemps, Phil. Aux États-Unis, c'est maintenant légal. Et tu sais comment le pari sportif. Exact. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont changé la donne. Ils rentrent beaucoup plus d'argent. Donc, les équipes ont plus le moyen. Puis, les gars qui sont propriétaires, ou les dames, parce qu'il y a des dames maintenant qui sont là-dedans, qui sont propriétaires des équipes, c'est des multimillionnaires. Ah, donc, eux autres, c'est un joujou. Avec quoi ils s'amusent? L'important, c'est quoi? C'est de gagner. À partir de ce moment-là, tu peux-tu blâmer de dire qu'ils me mettent 15 ou 20 millions? Tu sais, Tampa Bay l'année passée, ce qu'ils ont donné à Tom Brady, c'est autour de quoi? 20, 30, 35 millions? Oui, je pense que c'est 25, je pense. Oui, en tous cas. Tu sais, puis ils ont donné un contrat de 2 ans à un gars de 42 ans. Ouais. Tu n'aurais pas dit ça il y a 5 ans. Non. Aujourd'hui, le risque était là. Regarde le propriétaire, son risque rapporte actuellement. Ouais. Il est rendu au Super Bowl avec son club. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. C'est le commentaire de Phil Legan.